Allez, on se réveille là-dedans, c'est les bonnets rouges qui commencent à l'instant. Et on vient de s'écouter Left Hand Cruiser avec le morceau Hard Luck, issu de leur album All You Can Hit, et c'était précédé d'un morceau issu de l'album Solitary Prisoner de James Legg, et c'était le morceau Fire on Brimstone. Et je vous proposais de continuer avec le groupe allemand Brawlers, et le morceau Wer wird uns retten, ce sera issu, c'était issu de leur album Lofi, et ce sera suivi de Decline avec A Letter to My Rain City, morceau issu de l'album 12 Acre Valley Road, et ce sera suivi du morceau Roots de Buddha Bulldozer. Allez, tout un bloc. Wer wird uns retten? Wow!

C'était le morceau Roots des Bulda Bulldozer, morceau issu de leur album On the Docks. Et juste avant, c'était The Decline avec A Letter to My Rain City, un morceau issu de leur album 12A Cavalry Road. Et un morceau d'ailleurs qui n'est pas finalement très sympathique pour la ville de Rennes. Rennes. Petit doute des fois sur le nom, si la ville d'origine, mais bon. Il pleut pas tant que ça quand même en Bretagne, quand même, faut pas abuser. Allez, en tout cas, je vous propose de continuer dans les bonnets rouges, toujours sur C'est Fou avec Urban Attack et le morceau New World Order, un morceau sur l'album Against Atao, et après ce sera suivi du morceau Consumériste Aliénation de Secular Plague, issu de leur album Death for Sale. Allez, Urban Attack. Il y a notre ami camarade B qui vient d'arriver, qui commence déjà à foutre son bordel. Là, c'est comme ça chaque semaine. Faut le supporter, hein. C'est pas toujours. Il a pas l'air content. Il tape du poing sur la table. Allez, on va lui ouvrir son micro. Là, ça sera, ça lui fera du bien. J'ai plus rien à dire. Non, t'as plus rien à dire, bah, tu vas me laisser présenter ce qu'on vient de s'écouter. C'était Anonymat avec le morceau Révolution issu de l'album Violence. Non, absolument pas, non, c'est un groupe breton, oui, tout à fait. Et juste avant, c'était La Théorie du Boxon avec le morceau Antifasciste hein, issu de leur album. Sur la théorie c'est pas breton, breton du tout. Hein. La Théorie du Boxon, je sais plus, faudrait que je vérifie. C'est ma mémoire, des fois, à plan. Je pense que oui, en tout cas, il me semble que ça a le son breton. Oh, tout tombe à terre ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va continuer avec un groupe qui est breton. C'est les Ramoneurs de Menhir et on va s'écouter le morceau Viva la Révolution. Et issu de l'album Tannarbol. En fait, tu l'as mal prononcé, c'est Biba la Révolution. Ouais, en espagnol, les V deviennent des B. Ouais. Bah, après ça. Je te ferai remarquer. C'est pas grave, après, ce sera pas un groupe espagnol qu'on va s'écouter, ça sera un groupe italien avec Talco. Testamento d'Ian Buffone et sur l'album Combat Circus et après ce sera un groupe basque. Hey, tu vois, on voyage, ce sera Laissé aller. Tu sais que le cover Biba la Revolution, c'est une reprise de Diadix. Puis que Diadix, eux autres même sont pas foutus de bien le prononcer. Mais et après il va encore se plaindre que je déborde sur son émission avec tout ce qu'il dit. Hein. Ouais, mais écoute bien, je me venge un petit peu de la semaine passée. Hein. Qui se venge. Ouais. T'as pas entendu parler, toi? Non, c'est que t'as pas écouté la reprise. Je vais me taire pour pas dire des conneries. Il va peut-être pas l'aimer. Oh, allez, je te coupe ton micro. Non. Et donc, du coup, ce que je disais, c'était qu'on allait s'écouter les Ramoneurs de Menhir, suivi de Talco et enfin de Guarapita, avec le morceau Laissez aller sur l'album Si Hey. Allez, on commence d'abord ce bloc par Biba la Revolution des Ramoneurs de Menhir. C'était issu de leur dernier album sorti il y a pas si longtemps que ça, hein. Et intitulé Tannarbol. Revolution. frante vuote di malinconia. Nel via che affonda giorni e solidarietà. Ci dico son precari e nuvole utopia. Ma là nella metropoli sprofonda la realtà. Senza filtri nelle strade scende il buffone. Salta sopra i cocci di un'ormai sorda città. Non c'è spazio per compianto né moderazione. A chi ha strazzato i suoi valori per cerca tranquillità. Non correte! Non scappate via. Un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte! Non scappate via. Nel fango del benessere spendete la vita. Tra voli disperati di fantasmi e questi giorni. Non correte! Non scappate via. Svegliatevi, pagliacci, prima o poi vi farete senza sogni. Non sarà di compagnia, degnardo che coi sogni non sa più parlare. Per chi la carovana ormai è sfuggita via. Il prezzo dell'orgoglio e nell'errore sprofondare. Ma nelle poltrone armate di menefreghismo strisce un caldo vuoto di dai senza identità. Dico non sarà poi male un po' d'opportunismo. Grazie ma declino troppo a cuore la mia integrità. Non correte! Non scappate via. Un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte! Non scappate via. Nel fango del benessere spendete la vita. Tra voli disperati di fantasmi e falsi giorni. Non correte! Non scappate via. Svegliatevi pagliacci, prima o poi vi farete senza sogni. Altro treno è ripartito. Io vi lascio il testamento di un amor dal sogno inseguito. Col sorriso ripartirò con voi. Avanti avvicinate, viene il cuore e nessuno si vergogni. Guardate, guardate, su non scappate via. C'è un buffone armato di poesie che danza ancora coi suoi sogni. mi corazón y pienso por qué y trato también. Cuando tú me hablas, como cabrón, si tú eres mía, mi corazón está sufriendo. Carne mía, por favor, sufriendo. Más nutrición me estás dando. Malvida, ¿qué dice la trama? Mi corazón y pienso por qué y trato también. Cuando tú me hablas, como cabrón, si tú eres mía. Malvida. C'était Malavida de Gogol Bordello. C'était un morceau issu de leur album East Infection. Et juste avant, on s'est écouté Guarapita et le titre Laissez aller, issu de l'album Si He. Talco et le titre Testamento di un Buffone. Et les Ramoneurs de Menhir et le titre Viva la Revolution. Autant dire qu'on a quand même pas mal voyagé de groupe en groupe. Et c'est déjà la fin des bonnets rouges sur C'est Fou. Et je vais devoir laisser la place à Sky.cad, notre ami camarade B qui est déjà là. Et que dire, à part qu'on va s'écouter deux morceaux pour se quitter, on va tomber un petit peu en reggae, avec, en fait un petit peu, même complètement, avec Jagaya, Jagaya. Et le titre Politicien, issu d'album Retour à l'essentiel, et un morceau d'Alborosi, issu d'album Two Time Revolution, avec le morceau I Wanna Go Home. C'est pas mal pour finir l'émission, ça. T'as repris ton accent de DJ Bryce. Oh là là là, je te coupe ton micro. Puis on va s'écouter les deux morceaux. Hey, je termine en rime en plus. Allez, vas-y. Go. Politicien, on ne vous croit plus, vous avez beau dire, beau faire, beau agir, beau plaire, politicien. On ne vous croit plus, vous avez dépassé les bornes. Aucun respect pour les hommes, vous avez dépassé les bornes. On a du mal à croire en la politique. Il faut pourtant bien vivre avec elle, et même si nombreux sont apolitiques, il est important que leur voix s'élève dans ce monde ambivalent. Et désorienté, il faut savoir choisir tes priorités. Le mensonge émane de tes pores. Mais tu as l'air tellement sincère, chaque jour le scandale t'accable. Ces minimes que tu détournes et tu pleures ceux qui crèvent la dalle. Mais tu guettes comme un vautour, aveuglé par l'or noir, qui va te jouer des tours. Oh, oh, politicien. C'est les uns derrière les autres devant la cour de justice. Les pires de vos délits ne provoquent plus de surprise. Détourne ton argent et tripote des jeunes filles. L'indécence est VIP, 5 étoiles pour le vampire. Politicien, tu es dans de beaux draps. Bon drap. Le peuple ne croit plus en toi. En toi. Politicien, sans toi. Sans toi, l'idylle qui me revient de droit. Mais tu restes tenace, c'est toujours plus efficace quand il s'agit de faire pour tes projets les plus sales. Mais la fracture sociale semble inévitable. Éclate tes combats, on va faire plus dégueulasse. Mais le peuple se débat, accuse tes poubas. Sous des tonnes de lois, tente de marcher droit. Et pour voir grandir l'espoir, se trouver le marché noir. Celui de la justice. Reggae music est notre ministre. Un devise, une éthique, celle de rester fidèle et fier. Main dans la main sur le chemin de lumière. Notre parlement débat sur fond de music. Aux quatre coins du pays, nous chantons pour nos frères. Rasta where we are. Kill the vampire. Rastafarians. Getting experience. Mon gouvernement est celui de l'amour, de la justice, du partage de la vérité. Reggae pour les insoumis. Oh oh. We burn a politician, but the corruption. Watch out the Babylonian judgment will come. La voix du peuple chante son désir d'humaniser son avenir. Vous savez beau dire, beau faire, beau agir, beau plaire, politicien. On ne vous croit plus, vous avez beau dire, beau faire, beau agir, beau plaire, politicien. On ne vous croit plus, vous avez dépassé les bornes. Aucun respect pour les hommes, vous avez dépassé les bornes. Judgment will come. Miles away from 5,000 miles away from Babylon.